السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله عز وجل. دي دو جمادى الأول 1429 دو ليجير، ce qui concorde avec le 7 mai 2008 بإذن عز وجل. Nous sommes إن شاء الله تعالى dans le deuxième tome بإذن الله عز وجل. نعم. Nous avons parlé c'est-à-dire on est en train de parler, plutôt on est en train d'expliquer, naam, les attributs d'Allah Azza wa Jal, qui nous ont été instruits, naam, à travers les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui sont dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait parlé d'abord dans le dernier tiers de la nuit, et ensuite on avait parlé de l'attribut de la réjouissance, et qu'Allah Azza wa Jal se réjouissait. On avait donné bien sûr les preuves du premier attribut qui est la descente, et du deuxième attribut qui est la réjouissance d'Allah Azza wa Jal. Et vous savez que chaque attribut ne suffit pas à la science. C'est pas parce que je sais que Allah Ta'ala se réjouit que ça veut dire ça s'arrête là. Naam. Mais ce n'est pas une fin en soi. Quand je sais que Allah Ta'ala se réjouit, ça veut dire que je dois faire tout mon possible pour ne dire que la chose qui le réjouit Azza wa Jal, de n'être dans les endroits que dans les endroits où Allah Azza wa Jal se réjouit. Non, de ne pas dire les choses qui, le contraire de réjouir, yani, mettre Taïb, c'est comme ça, Allah, c'est comme ça, non. Ça, c'est pourquoi alors j'apprends cela, pour que je sache je comprenne et que j'apprenne premièrement cet attribut, la descente d'Allah, et deuxièmement pour que j'essaye d'être présent pendant la descente d'Allah Azza wa Jal. Parce que quand il descend, il demande: est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait que je lui pardonne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des vœux à exaucer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait que je lui fasse absolution de ses péchés? Comme ça. Non. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, on va voir l'attribut. Yadhaku Allahu ila rajulayni yaqtulu ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhulu al-jannah. Muttafaqun alayh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: يضحك الله إلى رجلين. الله عز وجل غي à deux hommes. غي à deux hommes. يقتل أحدهما l'un des deux tue l'autre. كي لهما يدخل الجنة. Et les deux vont rentrer au paradis. Donc deux personnes qui s'entretuent, non, été tuées. C'est possible qu'il aille au paradis, naam, s'il était pieux, etc. Ou bien s'il a été tué pour la cause d'Allah. Mais celui qui a tué, c'est quelque chose de difficile pour lui. Naam. C'est pour ça que Naam, Rasoul sait ce que ou la connaît, ce qu'on connaît pas. Naam. C'est pour ça que il a ri. Il connaît l'invisible. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Rasoul rit? Le hadith Batri explique, Inch'Allah Ta'ala, qu'est-ce qui s'est passé? J'arrête une seconde pour sortir et revenir parce qu'on dit que le son n'est pas bon. Je sors et je reviens, Inch'Allah Ta'ala, dans une seconde. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je disais, le hadith dit que deux personnes, Naam, une des deux a tué l'autre et Allah Azza wa Jal a ri. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi Allah Subhanahu wa Ta'ala a ri? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Naam, أن الله تعالى يضحك إلى رجلين عند ملاقاتهما يقتل أحدهما الآخر. الله عز وجل le message عليه الصلاة والسلام nous apprend que Allah عز وجل rit de deux personnes qui se sont rencontrées dans une bataille. L'une des deux personnes a tué l'autre et les deux vont rentrer au paradis. Les deux vont rentrer au paradis. وَأَحَدُهُمَا لَمْ يَقْتُلِ الْآخَرَ إِلَّا لِشِدَّةِ الْعَدَوَةِ بَيْنَهُمَا. Et celui qui a tué l'un rentre aussi au paradis. Naam. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit أَحَدُهُمَا كَانَ مُسْلِمًا. أَحَدُهُمَا كَانَ مُسْلِمًا. L'une des deux personnes, c'est-à-dire la personne qui a été tuée, était croyante. Et l'autre était kafir. Et l'autre était mécréant. فَقَتَلَهُ الْكَافِرُ. Donc le mécréant a tué le musulman. Donc le croyant, il rentrera au paradis. Pourquoi? Parce qu'il a été tué pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui-là c'est un martyr. نَحْسَبُ كَذَلِكُ وَلَا نُزْكِي اللَّهَ أَحَدًا. Celui-là c'est un martyr. Donc pour celui qui est tué, il n'y a pas de problème. Celui-là il va aller au paradis. Mais reste, comment se fait-il que l'autre, celui qui a tué le kafir, Naam, le kafir, comment se fait-il que le kafir rentre au paradis? Il a dit summa manna Allah azza wa jalla ala al-kafir. Ensuite Allah azza wa jalla, Naam, a fait une grande faveur, ouvert son cœur et il est rentré en islam et il est devenu croyant. Naam. Et celui-là, quand il est devenu croyant, qu'est-ce qui s'est passé après? Lui aussi il est mort. Lui aussi, on l'a tué dans une autre bataille. Il est mort martyr. Ou bien, même s'il n'est pas mort martyr, quand il mourra, il ira au paradis. Pourquoi? Parce que c'est un musulman. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal a ri. Donc nous, si on avait vu seulement l'apparence comme ça, ces deux personnes, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit celui qui est martyr, mais on ne sait pas que peut-être celui-là, comme c'est le cas ici, peut-être cette personne, Allah Azza wa Jal, va la guider. Subhanallah al-Azim, yani la science d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de, yani, infini, illimité, la science d'Allah Azza wa Jal, illimité. Non, c'est un peu, si je puis dire, par exemple, comme Khalid ibn al-Walid, radiyallahu ta'ala anhu, Khalid ibn al-Walid, radiyallahu ta'ala anhu, qui ne le connaît pas, et qui ne connaît pas son adversité avant d'être musulman, son adversité contre les musulmans et contre les croyants, et combien qu'il a tué de croyants et de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui aurait dit le temps pendant qu'il tuait, qui aurait croyante et mieux encore allait devenir l'une des épées d'Allah Azza wa Jal et allait aussi yani, mourir naam, fi sabillah, pour entrer au paradis. Bon, il n'est pas mort martyr, mais il est mort musulman, alhamdulillah, et inshallah ta'ala, il est ou il sera au paradis. Qui aurait pu dire? Elle est illimitée. Tayyib. Fi hadith إثبات الضحك لله عز وجل. Se comprend dans ce hadith. Et ce qui est plus important, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala rit. C'est que Allah azza wa jalla hadith. On vient de prendre et d'apprendre un attribut d'Allah azza wa jalla, comme quoi il rit. Et cette chose, si ce n'était pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a apprise, personne n'aurait pu connaître cette chose. Est-ce que quelqu'un qui resterait assis chez lui comme ça, en train de méditer, il arriverait à la fin pour dire que Allah Ta'ala rit? C'est impossible. S'il n'y a pas un hadith qui dit cela, ou il n'y a pas un verset qui dit cela. C'est pour ça qu'on appelle ça, on dit comment on dit ça? C'est fait le fi'liya, le khabariya, celle qui vient, mais il nous faut des textes, comme ici. Tayyib. Maintenant, si on a dit que Allah subhanahu wa ta'ala riait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il rit d'un rire qui lui convient, pas d'un rire qui nous ressemble. Car Allah ta'ala, rien ne lui ressemble. Rien ne... soit dans son entité, soit dans ses actes, soit dans ses attributs. Jamais Allah ne ressemble à une personne, jamais une personne ne ressemble à Allah azza wa jalla. Donc Allah azza wa jalla rit d'un rire parfait, un beau rire qui lui convient, dont on ne connaît pas le kef. On ne sait pas Allah ta'ala rit comme on rit, mais on dit seulement Allah ta'ala rit. On ne dit pas comment on rit, nous. Si on dit comment on rit, ça veut dire qu'on va dire que Allah ta'ala a une bouche et des dents et une langue pour tout ça, pour rire. Alors que Allah ta'ala, alhamdoulilah, les gens de la sunna et du consensus, et non pas les habèches, mais les gens de la sunna et de la jama'a, ont un cœur rempli de lumière, un cœur qui leur permet à la fois d'attester et en même temps sans jamais le faire ressembler. Mais les habèches ne peuvent pas accepter cela. Leur cœur ne s'ouvre pas. Ils ne veulent pas s'ouvrir pour qu'ils acceptent cette chose. Ils disent c'est impossible. Si on dit Allah Ta'ala rit, on la fait ressembler aux créatures, car ce sont les personnes et les êtres humains qui rient. Si on dit Allah Ta'ala descend, on la fait ressembler aux créatures. Naam. Si on dit Allah Ta'ala a les yeux, on dit on l'a ressemblé. Si on dit Allah Ta'ala a les mains, on dit on l'a ressemblé. Alors il vaut mieux ne pas dire. Comme ça ils disent eux. Quitte à quoi? Quitte à nier le Coran et la Sunna. Naam. Ils nient quoi? Ils nient les versets et les hadiths qui vont dans ce sens. Ou bien ils les déforment, une grande déformation. Ils les dévient de leur sens. Pourquoi? Parce qu'ils disent si tu dis cette chose, tu as fait ressembler Allah. Subhanallah. Tu as fait ressembler Allah. Donc Allah Ta'ala veut se faire ressembler. Allah Ta'ala veut se faire ressembler quand il dit qu'il a les mains, qu'il a les yeux, qu'il descend, donc il veut se ressembler. Et là, et le messager d'Allah veut le ressembler aussi. Le messager d'Allah, d'après les Habesh, c'est un anthropomorphiste. Naam, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant de nos jours, les Habesh lui auraient dit: Ya Rasulallah, on ne te suit pas. On ne va pas te suivre. Tu es un anthropomorphiste. Tu as fait ressembler Allah aux créatures. Ta'ala Allah amma yaqul al-ahbash al-dhalluna yalzamu min ithbat al-dhahik an yakuna Allah mumathilan lil-makhluq. Voilà justement la question qui est venue. La question elle-même qui est venue, celle que je viens de poser maintenant et à laquelle je viens de répondre. طيب, cette question est venue. Attendez inshallah ta'ala une seconde باذن الله عز وجل. نعم. Une seconde inshallah ta'ala. طيب. Abu Marwan, écrit numéro 1 si vous m'entendez. Maintenant, si une personne dit si on va dire que Allah subhanahu wa ta'ala rit, ça veut dire qu'on l'a fait ressembler aux créatures. وعليكم السلام. Ça veut dire que on va leur dire لا يلزم أن يكون مماثلا للمخلوق لأن الذي قال يضحك هو الذي أنزل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. Cheikh Ibn Uthaymeen rahmo répond, il dit le fait d'attribuer les attributs à Allah, les attributs qu'il s'est donné ou là que son messager lui a donné, ça ne veut pas dire automatiquement qu'on a fait ressembler Allah Ta'ala aux créatures. Pourquoi? Parce que celui qui a dit qu'Allah Ta'ala riait, celui qui a dit qu'Allah Ta'ala riait, qu'est-ce qu'il a dit qu'Allah Ta'ala riait? C'est son messager qui a dit ça, c'est son messager qui vient nous apprendre qu'Allah rit. Donc celui qui a dit qu'Allah Ta'ala riait, c'est lui-même que Allah Azza wa Jalla a fait descendre sur son cœur le verset qui dit Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble et c'est lui l'audient, le clairvoyant. Vous voyez? Donc le messager d'Allah qui sait que Allah Ta'ala rien ne lui ressemble, puisque lui-même il nous a appris ce verset. Il nous a appris que rien ne lui ressemble et c'est lui l'audient et le clairvoyant. Donc lui-même, le messager d'Allah, en récitant ce verset et en nous faisant apprendre ce verset, il a dit que Allah Ta'ala riait. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala riait. Wa min jihatin ukhra, et d'un autre côté, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam la yatakallamu fi mithli hadha al-amr illa 'an wahy, li'annahu min umuri al-ghayb wa laysa min umuri al-ijtihadiyya التي قد يجتهد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقره الله على ذلك أو لا يقره، ولكنه من الأمور الغيبية التي يتلقاها الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي. Il a dit d'un autre côté, cette chose-là, le fait de parler dans le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم peut déduire sa part. Ce sont des choses, comme j'ai dit tout à l'heure, khabariya, qu'on ne peut connaître que par les versets des hadiths. Même les attributs, on ne les connaît que par les versets et les hadiths. Même on ne peut pas les connaître comme ça par raisonnement de notre tête. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se peut qu'il fasse des efforts, tu ne but jamais. C'est dans des choses comme ça entre les gens, par exemple, des jugements entre les gens. Comme par exemple, une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'am, quand il a voulu faire avec Ghazwat Tabouk, n'am, ou bien Hunayn, je crois Tabouk, des gens sont venus lui demander la permission s'il pouvait ne pas y aller. N'am. Il a réfléchi, il a dit à certaines personnes, n'am, vous pouvez, yani vous avez la permission de yani ne pas faire la bataille avec nous, de vous absenter, vous avez la permission de vous absenter. Et quand il a rien de faire et en leur disant vous pouvez vous absenter, n'a pas été accepté par Allah. Il lui a dit عَفَ اللَّهُ عَنْكَ لِمَا أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَذِبِينَ. Sourate Tawba, page 43. C'est-à-dire il lui a dit qu'Allah te pardonne, pourquoi leur as-tu donné la permission de ça? Il a fait des efforts et il n'a pas été accepté. Mais il n'y a jamais d'effort dans les attributs d'Allah. Dans les attributs d'Allah, il n'y a jamais d'effort. Tout ce qu'il dit, ça vient d'Allah. C'est du wahy, c'est de la révélation. طيب. ولو قال قائل المراد بالضحك الرضا لأن الإنسان إذا رضي عن شيء سر به وضحك، أو المراد بالرضا الثواب أو إرادة الثواب كما قال ذلك أهل التعطيل. Maintenant, si quelqu'un va nous dire, il voulait dire par le rire l'agrément. Il voulait dire c'est l'agrément. Donc, si on dit Allah Ta'ala rit, ça veut dire il agrée. Ou bien, ça veut dire il va récompenser. Donc, si je dis Allah Ta'ala a ri de quelque chose, ça c'est de la pure déformation, de la parole d'Allah, de son contexte, naam, et de son endroit. Allah Ta'ala, naam, ou bien ici son messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Allah rit. Rit, yadhak, yadhak, yadhak, rit, avec R-I-T, Allah Ta'ala rit. Et toi tu dis non, ce n'est pas il rit, il agrée, ou bien une récompense. Tayyib. Ou bien une autre personne va dire ce n'est pas il agrée. Par exemple, il donne, ou bien ce n'est pas il donne. L'autre il va dire il récompense. L'autre il va dire il fait rentrer au paradis. L'autre il va dire il va leur donner les délices. Et comme ça, chacun va déformer comme il veut. Il va dire, moi, c'est ce que j'ai compris. Et d'ailleurs, ce que j'ai compris, moi, c'est le juste. Et ce que tu as compris, toi, c'est le faux. Naam. Donc, naam. Ensuite, premièrement, c'est une déformation. Le fait de dire que rire ici, c'est récompenser. Ou bien c'est agréé. Deuxièmement, فَأَنْتُمُ الْأَنْ قُلْتُمْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ مُجِدْ. Ici, vous avez dit sur Allah Ta'ala, vous avez dit sur Allah Ta'ala ce que vous ne savez pas. En deux choses. Premièrement, صَرَفْتُمُ النَّصَ عَنْ ظَهِرِ بِلَا عِلْمِ. Premier effet, vous avez détourné et dévié le sens apparent du hadith. Le hadith a dit Allah Ta'ala rit et vous dit, et vous dites il rit pas, il agrée. Subhanallah al-Azim. C'est la première grande faute. La deuxième faute, athbattum lahu ma'nan khilaf adh-dhahir bil-'ayn. Deuxièmement, vous lui avez donné un autre sens. Vous avez dit c'est autre chose. Cette autre chose, c'est un nouveau sens que vous avez donné au hadith. Naam. Donc vous avez déformé, c'est-à-dire enlevé le vrai sens. Ça, c'est le premier grand péché. Et le deuxième grand péché, vous avez donné un sens de votre tête. Vous avez dit, c'est il agrée ou bien il récompense. Naam. D'autres ont dit, c'est la volonté de récompenser. Ce n'est pas récompenser en lui-même, mais c'est la volonté. La volonté de récompenser. Voyez. Nous, on va leur dire alors, puisque vous dites que c'est la volonté de récompenser, alors votre, si on laisse les attributs d'Allah Ta'ala comme ça, sur le sens apparent, alors c'est quoi? Alors on l'a fait ressembler aux créatures. Ça y est, je m'arrête un instant pour demander si vous m'entendez ou pas. Est-ce qu'il y a du son ou est-ce qu'il n'y a pas? Pour savoir si je parle dans le vide ou bien vous m'entendez. Faire écrouler leur règle. Comment qu'on va faire pour écrouler leur règle? Écoutez bien. Eux, ils ont dit, rire dans le hadith. Rire, c'est la volonté. La volonté de quoi? De récompenser. Allah veut récompenser. On leur dit, mais lorsque vous employez le mot la volonté, vous avez fait ressembler Allah Ta'ala aux créatures. Ils vont dire pourquoi? On va leur dire parce que vous l'avez fait ressembler aux créatures, car les êtres humains ont aussi une volonté. Allah Ta'ala dit dans le Coran, minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Parmi vous, il y en a qui veulent ce bas monde et il y en a qui veulent l'au-delà. Donc, Allah Ta'ala dit, parmi vous, il y en a qui veulent vouloir et il y en a qui veulent l'akhirah, l'au-delà. Donc, vous vous dites, le rire, c'est la volonté de récompenser. Donc vous avez fait ressembler Allah aux personnes, car les personnes aussi ont une volonté. Allah Ta'ala dit ils veulent. Parmi vous, il y a qui veulent ce bas monde, et parmi vous, il y a qui veulent l'au-delà. Donc vous avez fait ressembler Allah aux créatures. Car Allah veut et les personnes veulent. Naam. Mieux que cela ou encore pire, pire que cela, vous avez fait ressembler Allah Ta'ala au mur. Astaghfirullah, astaghfirullah, au mur. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala dit dans le Coran فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارٍ يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ. Là, ils ont marché comme ça. Ensuite, ils trouvèrent, c'est-à-dire ils arrivèrent à un endroit où ils trouvèrent un mur qui voulait s'écrouler. Un mur qui voulait quoi? Qui voulait s'écrouler. Donc, le verset a dit, le mur, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait s'écrouler. Donc, le mur a une volonté. Il voulait. Il voulait quoi? Il voulait s'affaisser. Il voulait s'écrouler. Et vous vous dites, Allah Ta'ala, il veut. Et le mur veut. Donc, la volonté d'Allah, c'est comme la volonté des créatures. Donc, Allah ressemble aux créatures. Donc, vous voyez comment eux-mêmes, ils vont se trouver acculés. Eux-mêmes, leur règle va s'ébranler. Naam, va s'ébranler. Ça y est. Autre chose. Ce que les Habèches ne veulent pas comprendre. Et bien sûr, les Ash'ari avec eux, parce que ce sont leurs élèves. Ce qu'ils ne veulent pas comprendre, c'est que il n'y a de ressemblance que dans la volonté de la personne. C'est une ressemblance dans le mot volonté. Mais la volonté d'Allah, c'est une chose, et la volonté des créatures, c'est tout autre chose. Comparez seulement, si vous voulez, comparez avec la volonté de l'être humain et la volonté de la fourmi. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre la volonté de l'être humain et la volonté de la fourmi? Très très grande différence. La personne, si elle veut, elle peut prendre sur sa tête 30 kilos. La fourmi, elle ne peut pas prendre sur sa tête plus de peut-être 5 grammes, 10 grammes, 15 grammes, je ne sais pas. Une volonté, et la fourmi a une volonté. Mais les volontés diffèrent. La même chose ici. Allah Ta'ala a une volonté. Et nous, en volonté, la ressemblance est dans les noms, c'est tout. Dans les noms. Naam. Regardez par exemple le Hayat. Le Hayat. Allah Ta'ala, a-t-il une vie ou bien il n'a pas? Celui qui dit Allah Ta'ala n'a pas de vie, ça veut dire dit que Allah Ta'ala est mort, celui-là. Ou bien, c'est un quoi? C'est un ignorant. Il vient juste de se convertir à l'islam. On lui apprend le dîn. On lui dit non, tu t'es trompé. Allah Ta'ala est vivant. Ou bien c'est un kafir. Il dit non, je ne reconnais pas ça. Ça y est. Et maintenant, quand il a dit que Allah Ta'ala vivait et avait une vie, est-ce qu'on va lui dire tu l'as fait ressembler aux personnes, car les personnes aussi ont une vie et vivent? Comme ça diront, qui va dire ça? Les Habesh, ils sont obligés de dire cela. Naam, ils sont obligés de dire, il ne faut pas qu'on dise Allah Ta'ala vit, car s'il vit, si vous dites il vit, nous on va leur dire, si vous dites il vit, vous l'avez fait ressembler aux personnes, aux animaux et aux poissons et à la grenouille. La grenouille, si elle vit. Alors vous êtes obligé de choisir. Ou bien vous dites il vit pas pour ne pas le faire ressembler, et là vous devenez kofar. Vous avez dit Allah est mort. Ou bien vous dites il vit, et vous serez obligé de dire il vit une vie qui lui convient, qui ne nous ressemble pas. Sinon, vous l'avez fait ressembler, naam, aux créatures. La preuve que la vie d'Allah n'est pas comme notre vie, comme son essence n'est pas comme notre essence, comme sa main n'est pas comme notre main, comme ses yeux ne sont pas comme nos yeux, comme sa descente n'est pas comme notre descente, comme son rire n'est pas comme notre rire, comme son étonnement n'est pas comme notre étonnement, comme sa réjouissance n'est pas comme notre réjouissance, comme sa venue n'est pas comme notre venue, et comme ça. Et comme ça, sans exception. La preuve que la vie d'Allah Ta'ala n'est pas comme notre vie, c'est que notre vie a été précédée par quoi? Par un néant. Et elle est entrecoupée au milieu par la petite mort. Et elle se termine par la grande mort. Alors qu'Allah Ta'ala, sa vie, n'a pas n'a pas été précédé par un néant. C'est le premier, il a toujours été. Il n'est pas entrecoupé par la petite mort, le sommeil. Allah Ta'ala ne le prend ni sommeil ni somnolence. Et ne sera pas achevé par la mort, car Allah Ta'ala c'est le dernier. Quant à nous, notre vie a été précédée par le néant. Naam. Vous savez que, regardez, calculez votre âge et revenez en arrière. Pour celui qui de vous a 30 ans, qu'il se dise, il y a 30 ans, il n'existait pas. Il n'existait pas, on n'a jamais entendu parler de lui. Pour celui qui a 25 ans, il se dit, il y a 25 ans, je n'existais pas. Ou du moins, j'ai existé dans le ventre de ma mère. Donc, je reviens encore, j'enlève encore 9 mois, je n'existais pas du tout. Subhanallah al-Azim, personne ne savait que j'allais venir, ni me connaissait, ni ne savait. Yani, physique ni rien. Naam. Donc, et ça c'est cité dans le Coran, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il y a un verset qui a dit, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Sorte l'insan, premier verset. S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? Durant le, est-ce qu'on a été mentionné? Est-ce que quelqu'un parlait de nous? On n'était même pas mentionné qu'on allait exister. Subhanallah. C'était seulement dans la science d'Allah Azza wa Jalla. Donc, notre vie a été précédée par un néant. Et elle est entrecoupée par quoi? Par le sommeil. Est-ce que quelqu'un de nous, est-ce qu'il y a celui-là? C'est impossible. Pourquoi tu dois dormir? Bon, premièrement, c'est pour te fortifier, etc. C'est pour ton bien, bien sûr. Mais pour qu'Allah Ta'ala te prouve que tu es faible. Tu es faible, tu ne peux pas résister. Toi qui te crois le plus fort et le plus je ne sais pas quoi, tu n'es rien. Naam, abdiqué et tombé par terre. Naam, si tu ne te mets pas sur le lit pour dormir, tu vas. C'est pour ça, toujours avant de dormir, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Avant de dormir, on se met sur le flanc droit, le côté droit. Qu'est-ce qu'on dit? Bon, il y a beaucoup d'invocations. On dit aussi celle-là. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Mon Seigneur, en ton nom, amut. Je meurs et je ressuscite. Qu'est-ce que ça veut dire, je meurs? Je meurs car quand tu dors, tu es mort. Quand tu dors, tu es dans la petite mort. Est-ce que quand tu dors, tu sais ce qui se passe? Est-ce que quand tu dors, tu sais ce que font les enfants dans la cuisine? Est-ce que quand tu dors, tu sais qu'est-ce qu'il y a dans la rue? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il y a du soleil? Tu es en train de dormir. Hein? C'est une petite mort. C'est une petite mort. C'est pour ça le matin quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu dis? Alhamdulillah alladhi ahyana ba'd ma amatana. Alhamdulillah, je remercie Allah Ta'ala qui m'a ressuscité après avoir pris mon âme. Naam, ba'd ma amatana. Subhanallah al-Azim. Quand tu dors, tu meurs. Et le matin, quand tu te réveilles, tu félicites, tu remercies Allah, tu dis Alhamdulillah qui m'a ressuscité, j'étais dans une mort. Et c'est pour ça que Allah Ta'ala dit dans le Coran que, dans un verset, il a dit en arabe, Allahu alladhi yatawaffa al-anfusa hina mutiha wa allati lam tamut fi manamiha. C'est-à-dire, il a dit Allah alladhi yatawaffa al-anfusa hina mutiha. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui prend les âmes quand elles meurent. Il a dit وَلَّتِ لَمْ تَمُوتْ فِي مَنَامِهَا. Et il prend aussi l'âme de celle qui ne meurt pas quand elle dort. Allah Ta'ala veut dire par là que il y a des personnes qui lorsqu'elles dorment elles meurent définitivement. Non, il y a des personnes qui lorsqu'elles dorment Allah Subhanahu wa Ta'ala leur prend leur âme de la petite mort vers la grande. C'est pour ça que nous quand on se réveille le matin, qu'est-ce qu'on dit? On commence par remercier Allah Ta'ala, on dit Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Et vers lui on va revenir, on n'oublie pas ça. Ça veut dire, c'est pas je dis Alhamdulillah, Alhamdulillah il m'a fait ressusciter et je l'oublie. Khlas, il m'a ressuscité, c'est pourquoi pour aller faire des délices et des tentations et des péchés. Non, il est innocent. N'oublie pas que tu vas revenir encore une fois. Tu vas revenir encore une fois vers lui après la grande mort. Naam. Taïb. Donc, tout ça pour dire quoi? Que Allah Ta'ala a une vie et nous on a une vie. Et les deux vies ne se ressemblent pas. Allah Ta'ala a une nuit. A une nuit, il entend. Et nous on a une nuit. Mais il n'y a de ressemblance que dans les noms. Car l'ouïe d'Allah n'est pas comme notre ouïe. Notre ouïe, pour entendre, il nous faut des oreilles. Ça, est-ce qu'il y a à l'intérieur le tympan, etc. Mais Allah Ta'ala a-t-il une oreille? Astaghfirullah. A-t-il un tympan? Astaghfirullah. Et est-ce que ma façon d'entendre est comme la façon d'entendre de Allah Azzawajal? Seule personne parle. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala entend et entend ce qu'il y a dans les cœurs et sait ce qu'il y a dans les cœurs et entend tout le monde à la fois. Et bon, c'est pas la peine, ça on l'a expliqué plusieurs fois. La même chose pour le basar. Allah subhanahu wa ta'ala a une vue et nous on a une vue. Est-ce que c'est la même chose? Il n'y a de ressemblance que dans les noms. Il n'y a de ressemblance que dans les noms. Allah Ta'ala a une hikma, la sagesse, son sage. Disons, beaucoup d'eux sont sages. On dit que Allah Ta'ala, a'lam, Allah est plus savant. Naam, Allahu alim. Est-ce que y a des hommes qui ont de la science ou il n'y a pas? Il y a des hommes de science. Est-ce que l'homme qui a la science, l'être humain qui a la science, c'est la même science que Allah Ta'ala a? Est-ce que moi, je sais ce qui va arriver dans 5 minutes? Est-ce que moi, je sais ce qui va arriver dans 50 ans, dans 100 ans? Alors que Allah Ta'ala, 50 000 ans, le Seigneur, 50 000 ans, avant de nous avoir créés, a tout écrit ce qui allait se passer. Tout écrit. Ce qui allait se passer, yani seconde par seconde. Donc vous voyez la grande différence entre notre science et la science d'Allah Azzawajal. Quand on dit que Inna Allah Jamil, Allah subhanahu wa ta'ala est beau, bien il n'est pas beau, Allah ta'ala. C'est le plus beau. Inna Allah Jamil, yuhibbul jamal, il aime la beauté. Allah ta'ala est beau et aime la beauté, comme a dit le messager d'Allah. Est-ce que la beauté d'Allah c'est comme notre beauté? Non. Est-ce que vous savez que Adam alayhi salam était très beau? Vous savez que Youssouf, Joseph alayhi salam était très beau? Vous savez que Mohammed sallallahu alayhi salam était très beau? Est-ce que les trois beautés réunies, jamais dans la vérité elle-même? Non. Chose-là, les Habesh ne veulent pas la comprendre. Les Habesh ne veulent pas comprendre que quand on emploie un mot qui ressemble à un mot, quand on emploie un mot, naam, qui en même temps se trouve chez Allah, un attribut, c'est mieux qu'un mot. Quand on emploie un attribut qui en même temps se trouve chez nous, on a une vie, mais il n'y a aucune ressemblance. Allah Ta'ala a une science et nous, on a une science, aucune ressemblance. Allah Ta'ala a une beauté, naam, et nous une beauté, aucune ressemblance entre les deux beautés. Allah Ta'ala a une ouïe et nous une ouïe aussi, une entente, mais aucune ressemblance. Et comme ça, vous dites tout ça avec les attributs d'Allah Azzawajal. On a appris, alhamdulillah, qu'Allah Azzawajal riait. On vient d'apprendre, alhamdulillah, aujourd'hui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala rit. C'est un nouveau attribut, c'est un nouvel attribut qu'on vient d'apprendre, alhamdoulilah. Je viens d'apprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala rit. D'ailleurs, dans un hadith qui se trouve dans Silsila Sahiha, hadith numéro 2810, Cheikh Al-Albani a dit authentique, dans un autre endroit, il a dit bon, non, qu'une personne a demandé au messager d'Allah. Elle lui a demandé, Ya Rasulallah, ayadhaku Rabbuna? Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, notre Seigneur rit-il? notre Seigneur rit-il? Na'am, na'am, a répondu le messager d'Allah. Oui, a répondu. Il a dit, donc, puisqu'on a un Seigneur qui rit, donc jamais on ne manquera de bien, jamais on ne manquera de khayr. Na'am. Vous savez pourquoi? La personne qui rit, na'am, c'est toujours, c'est tout de suite, je vais te gifler. C'est impossible. Si je vais te gifler, c'est que tu vois déjà dans mon visage que je suis en colère contre toi. Ça? Mais si tu me vois comme ça en train de rire avec toi, et ça veut dire que, Inch'Allah ta'ala, tu n'attendras que du bien de moi. Donc, regardez ce qu'a dit ce compagnon, il a dit, mais Inch'Allah, puisqu'Allah riait, je ne savais pas, alors je n'attends d'Allah Azza wa Jal que le bien. Na'am, c'est comme ça, na'am, qu'on doit savoir, qu'on doit apprendre, puisqu'on a appris qu'Allah Ta'ala riait, donc on doit avoir dans le cœur cette grand espoir, ce grand espoir, cette grande porte qui s'ouvre, na'am. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, na'am, comme vous savez, souriait beaucoup. C'est rare où le messager d'Allah, on ne le voyait pas sourire. D'ailleurs, même les messagers étaient comme ça. Allah Azza wa Jal, en parlant de Sulayman alayhi salam, il a cité que lorsqu'ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi a dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Oh fourmi, c'est-à-dire rentrez dans vos demeures, il y a Sulayman et son armée qui arrivent. Étant trop petites, ils vont pas nous voir et ils risquent de nous écraser sans se rendre compte. Naam. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Sulayman alayhi salam, qui entendait bien sur les animaux qui parlaient, Allah Ta'ala lui a donné cette faveur. Quand il a entendu dire cela, qu'est-ce qu'il a fait? Allah Ta'ala l'a cité dans le Coran, il a dit فَتَبَسَّمَا دَحْسُورِ. Allah Ta'ala a cité que le messager Sulayman alayhi salam a souri. Donc la personne qui sourit, naam, le fait déjà de la voir, ça te donne de l'espoir dans le cœur. Et ce n'est pas comme la personne qui est toujours comme ça, renfrognée, naam, et qui ne rit jamais ou bien ne sourit jamais. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique qui se trouve dans Sahih al-Jami' numéro 7245. Il a dit لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. Il a dit, le messager d'Allah a dit, il ne faut rien mépriser des bonnes actions, ne serait-ce que de rencontrer ton frère avec un visage, avec un visage, tu as des récompenses. Subhanallah al-Azim. Ça veut dire, ne méprise rien des récompenses. Ne dis pas, pour que Allah Ta'ala me donne des récompenses, il faut que je donne tout mon argent. Pour que Allah Ta'ala me donne des récompenses, il faut que je fasse au monde de mon or. Il faut donner mon or. Pour que Allah Ta'ala me donne des récompenses, il faut que je jeûne. Je jeûne tout le temps. Sinon, il ne va pas me donner de récompense. Mais ce n'est pas vrai. Le messager d'Allah a dit, attention, ne plus sourire. Pourquoi? Parce que quand tu souris, tu fais rentrer de la joie dans le cœur de celui qui te voit. Et tu as été donc la cause d'un bien. C'est quoi le bien? Tu as été la cause d'un grand bien. Un grand bien seulement en souriant. Naam, seulement en souriant. En souriant, tu as fait rentrer une grande joie dans les... A dit, toujours dans Sahih al-Jami', hadith numéro 2908, il a dit, Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqa. Ton sourire, comme ça, sur le visage de ton frère, sadaqa, c'est une aumône. Vous voyez les gens qui disent, on n'a pas de l'argent pour faire l'aumône. Tu n'as pas d'argent pour faire l'aumône? Tu n'as pas d'or, tu n'as pas d'argent à donner aux pauvres. Eh bien, c'est très facile. souris à ton frère quand tu le vois. Et toi, ma sœur, quand tu rencontres ta sœur, tu lui souris comme ça dans le visage. Et voilà que les récompenses s'écrivent dans le cahier, masha'Allah, azzawajal. Masha'Allah. Aucune personne n'a le droit de dire « Je n'ai pas de quoi donner pour faire des récompenses. Je n'ai pas de quoi donner pour faire l'aumône. » Non, on va te dire « Arrête de mentir » ou bien « Tu es un ignorant, tu ne connais pas le dîn. » Il suffit seulement que tu souris à ton frère et voilà que tu as des récompenses. Subhanallah al-Azim. Je vais citer, ce sont des choses que voilà d'autres hadiths où vous allez lire que ça existe, yani le rire d'Allah Azza wa Jalla. Vous connaissez l'histoire, est venu, pardon, il y a une personne qui est venue au messager d'Allah Sallallahu Alaihi Wasallam demander, yani, comment on dit ça, demander lot pour descendre en lot, invité. Mais le messager d'Allah a envoyé chez lui, il n'y avait rien. Alors, il a dit, qui de vous, Sulaym? Ce n'est pas l'époux de Ummu Sulaym qui est la mère de Anas ibn Malik. Non, ce n'est pas lui, il y a une autre personne qui s'appelle Abu Talha. Il a vite envoyé à sa femme pour lui dire que, prépare-toi, il y a l'hôte du messager d'Allah qui vient. Elle a dit, oh mon mari, mais on n'a rien. On a seulement ce qu'il faut pour les enfants. On a seulement le repas des enfants. Il a dit, moi je veux rien comprendre. C'est le messager d'Allah qui, comment on va les faire dormir? On va mettre n'importe quoi dans la marmite et on va la laisser bouillir et eux, en train d'attendre jusqu'à ce qu'ils dorment. L'enfant, il ne peut pas tenir. Ensuite, ils ont pris le manger, hein, qui était de côté, et qui ne suffisait pas, bien sûr, et l'ont mis devant l'hôte, et le mari a dit à sa femme, tu feras semblant de faire tomber la bougie. Quelque chose comme ça, la lampe, elle dit qu'il l'hôte. Hein, ils ont fait ainsi, ils ont éteint la lumière, l'hôte a mangé jusqu'au matin. Pardon, j'ai dit jusqu'au matin. Il a mangé jusqu'à, alhamdoulilah, il a été rassasié. Il croyait que les autres mangeaient avec lui. Il croyait que les autres ont mangé avec lui. Ensuite, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a su cette chose, il l'a su comment? Il l'a su par Allah azza wa jal. Naam. Car le messager d'Allah a dit, Zahik Allah min fi'alikuma bi dhaifikuma al-laylata. Le messager d'Allah a dit à cette personne le lendemain, il lui a dit, toi et ta femme, Allah Ta'ala a ri hier de ce que vous avez fait de votre invité. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Ta'ala a ri de ce que vous avez fait hier de votre invité. Comment vous avez eu cette idée, mashallah, de faire dormir les enfants et de ne pas manger vous et il mange lui. Subhanallah al-Azim. Allah Ta'ala a ri de ce que vous avez fait. Et Allah Ta'ala fait descendre un verset où il dit يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَصًا يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَصًا. Allah Ta'ala fait descendre un verset à cause de ce couple où il dit, j'ai pas la traduction en français, où il dit que ils font devancer d'autres personnes sur elles-mêmes alors que ils ont besoin de la chose. Ça veut dire ici, pour le manger. Ils avaient besoin de se manger, mais ils l'ont dévancé aux autres. Ils ont dévancé l'hôte du messager d'Allah. Ils lui ont dit, toi tu manges, et nous on ne mange pas. Ils lui ont pas dit comme ça avec la langue, mais avec le comportement. On éteint, nous on reste comme ça avec la faim. Allah Ta'ala a ri. Ta'ala ri, ça veut dire que mashallah pour ces personnes, naam, Allah Ta'ala ri et a fait descendre le verset que vous venez d'entendre. Vous remarquez aussi avec moi une chose, vous remarquez quoi? Que cet homme, naam, a mangé avec l'autre, avec ma femme s'interdit qu'elle voit les hommes ou je sais pas quoi. Il a dit نعم ils ont mangé ensemble et avec l'invité ensemble. Subhanallah l'adim, mais bien sûr quand la femme est dans son vêtement qui la couvre, elle est dans son vêtement qui la couvre, c'est comme si elle était dans la rue. Non. Qui ne sont pas cachés, elle habille en pantalon ou bien en cours, elle vient s'asseoir avec les hommes. Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Dans un autre, quelqu'un qui s'appelle Thabit ibn Qais, radiallahu ta'ala anhu. Non. Vous connaissez l'histoire de Thabit ibn Qais et sa femme. Il lui a dit لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. لقد ضحك الله. Allah ta'ala a ri de ce que tu as fait, de ce que tu as fait avec qui, avec ton invité hier. Ça c'est une autre histoire, mais l'histoire je l'ai cherchée, je l'ai pas trouvée. C'est pas l'histoire de Abu Talha. Si la preuve, c'est que le messager d'Allah lui a dit, Naam, Allah Ta'ala a ri de ce que tu as fait avec ton invité hier. Naam. Maintenant il y a des gens qui lorsqu'ils ont des invités, ils se mettent en colère. Ah, ils disent subhanallah, ils sont arrivés ceux-là. Ah, subhanallah, il n'a pas trouvé où aller, il est venu chez nous. Oh, qaddar Allahu ma sha fa'al, ça fait longtemps que j'ai pas été venu. Oh, qaddar Allahu ma sha fa'al, pourquoi il n'est pas venu hier quand il y avait les poissons? Lui, c'est impossible. Et je dois partager avec lui, c'est difficile. Comment je vais faire? Naam, la hawla wa la quwwata illa billah, l'ali l'azim. Naam. Alors que le messager d'Allah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit "Man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir, falyukrim dhayfa." Il a dit celui qui d'entre vous croit en yani avec son hôte, son invité. Yukrimu, c'est-à-dire, j'ai pas trouvé le mot en français, mais quand on a un invité, on doit faire le maximum de ce qu'on peut faire. C'est-à-dire, lui donner le meilleur ce qu'on a à manger, le meilleur ce qu'on a, comme quoi, comme drap, etc. Non, il lui faut le meilleur accueil. Voilà, j'ai trouvé le mot, inshallah ta'ala. Il lui faut celui qui croit en Allah et aujourd'hui. Qu'il fasse le meilleur accueil à son invité, comme ça a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas seulement le manger mais aussi le dormir, hein? Tu lui prépares le meilleur coussin, le meilleur drap, et comme ça naam. Et je ne sais pas si vous savez une chose, attendez, je cherche le mot. Disons que l'invité, quand il vient, il a un droit, c'est-à-dire il est de notre devoir de lui faire passer une nuit. Vous savez ça? L'invité, s'il vient et tu as une place, par exemple, et tu le laisses dormir dans la rue, péché. Il a le droit d'aller chez le juge en islam, il va chez le juge et il dépose plainte. Il a dit, il va dire, Naam, je suis arrivé à tel village, il y a telle maison, ils ont 5 ou 10 pièces et j'ai passé la nuit dehors. J'ai demandé à ce qu'ils me fassent, ils m'accueillent la nuit, ils n'ont pas accepté. J'ai passé la nuit dehors, j'ai pas mangé. Il va chez le tribunal, une amende égale à quoi? Égale au repas qu'il n'a pas mangé plus le prix d'une chambre à l'hôtel. Non, s'il était parti à l'hôtel, combien il aurait payé? S'il était parti au restaurant, combien il aurait payé? On joint les deux, on te dit tu vas les payer toi. Toi qui ne l'as pas accueilli, tu vas les payer. Parce que les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas que accueillir d'un devoir, ils ne savent pas. Ils croient que a dit dans un hadith qui est sahih, un long. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Est-ce que vous m'avez entendu parler de l'invité, si on si on l'accueille pas, il va aller chez le juge, etc. Est-ce que vous avez entendu cette chose? Il va chez le juge, il dépose plainte pour la nuit. Est-ce que vous avez entendu ça ou là, vous l'avez pas entendu? Naam, j'attends votre réponse. Naam, l'invité? Naam, alhamdoulillah. Taïb, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la dernière personne qui sortait de l'enfer. La dernière personne qui va sortir de l'enfer et qui, bien sûr, sera la dernière personne qui rentrera au paradis. Taïb, lorsque cette personne demandera à Allah subhanahu wa ta'ala juste un peu de cet arbre là-bas, hein, où il y a un peu d'ombre, etc., Allah ta'ala va lui dire: mais tu m'as dit que tu ne demanderais plus rien. Et lui a dit: Allah, pardonnez-moi. Allah ta'ala lui dit: d'accord, mais tu ne me demandes plus rien. Il lui dit: je vais te demander plus rien. Ensuite, quand il s'assoit près de l'arbre, il commence à entendre un peu ce qui se passe dans le paradis, parce que l'arbre n'est pas loin de la porte du paradis. Il dit: Allah, si vous m'approchez juste un peu devant le paradis, je rentre pas, mais juste devant la porte, Allah ta'ala va lui dire: tu n'as pas dit que je ne demanderai plus rien. Il lui dit: ya Allah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, etc. Al-Muhim, Allah ta'ala va toi à l'intérieur. Naam, vous savez qu'il ne va pas se retenir aussi. Il ne va pas se retenir. Alors Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire: ya Abdi, tayyib, alors est-ce que ça te plairait? Est-ce que ça te plairait que je te donne ce qu'il y a dans le paradis multiplié par 10? Est-ce que ça te plairait que non seulement je vais te faire rentrer au paradis, mais encore je vais te donner tout ce qu'il y a dans cette dunya, pas dans le paradis, tout ce qu'il y a dans cette dunya, ce qu'il y avait, multiplié par 10. Multiplié par 10. Cela, c'est pour qui? C'est pour la dernière récompense au paradis. Car là, tu vas voir la première personne qui va rentrer au paradis, comme les messagers, ensuite les compagnons, Abu Bakr, Omar, Othman, qu'est-ce qu'ils vont avoir cela? Si le dernier, Allah Ta'ala va lui donner 10 fois ce qu'il y a dans le monde. Subhanallah al-Azim. Al-Muhim. Quand Allah Ta'ala a dit à cette personne qui ne pensait pas qu'elle allait rentrer au paradis, et que maintenant lui dire: je vais te donner 10 fois ce qu'il y a dans ce monde, tellement yani, il a été réjoui qu'il n'a pas cru. Oh Allah Ta'ala, vous vous moquez de moi? Oh Allah Ta'ala, vous vous moquez de moi? Wa anta rabbul alamin, et vous, le Seigneur de l'univers, vous vous moquez de moi? Yani, une personne se moque de moi, ça ne fait rien, j'accepte. Mais vous, Allah Azza wa Jal, vous me dites: rentrez au paradis, je vous donne 10 fois ce qu'il y a, vous moquez de moi? Alors Abdullah ibn Mas'ud, ne me demandez pas pourquoi je ris. Ils ont dit: alors dis-moi, pourquoi, dis-nous, pourquoi tu ris? Il a dit: comme ça, le messager d'Allah a ri. Lui aussi, quand il a raconté ce hadith, il est arrivé ici, il a ri. Alors, on lui a dit: ya Rasulallah, au messager d'Allah, pourquoi tu ris? Il a dit: vous vous moquez de moi? Il a dit: inni la astahzi minka. Il lui a répondu: je ne me moque pas de toi. Je ne me moque pas de toi. Walakinni ala ma asha'u qadir. Je ne me moque pas de toi, mais je suis capable de tout. Mais je suis capable de tout. C'est un hadith authentique rapporté dans Muslim. Donc, dans ce hadith, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que Allah Ta'ala a ri. Allah Ta'ala a ri et lui a dit: non, je ne me moque pas de toi. Non, je ne me moque pas de toi, mais je suis capable de tout. Al-Muhim, pour ceux qui disent, comme les Habash et les autres qui disent que le rire, ce n'est pas un rire véridique, ce n'est pas un véritable rire. C'est l'agrément, c'est ceci, c'est cela. Comme ils disent, ce n'est pas la main, c'est la puissance. Ce n'est pas Allah Ta'ala qui descend, c'est l'ange. Et comme ça, ils déforment tout le Coran et toute la Sunna. Et pourquoi le messager d'Allah a ri? Il a ri. Et on lui a dit: pourquoi vous riez, ya Rasulallah? Il a dit: car Allah Ta'ala a ri. Regardez, trois rires qui se concordent. quatre rires. Le rire de Abdullah ibn Mas'ud. Naam. Ensuite, le rire du messager d'Allah, il a ri. Ensuite, les hadiths disent que Allah Ta'ala ne rit pas. Un Dieu qui rit, alhamdoulilah. Et celui qui a un Dieu qui rit, toutes les portes de l'espoir s'ouvrent pour lui. Ce n'est pas un Dieu en colère, toujours en colère, renfrogné. On a un Dieu qui rit, mashallah. Donc quand tu te rappelles qu'Allah Ta'ala rit, déjà tu as dans ton cœur qu'Allah Ta'ala donc est pardonneur. Il est Rahman, il est Rahim, comme le Dieu des Habesh. Les Habesh, ils ont un Dieu qui ne rit pas. Un Dieu qui n'a pas de yeux. Un Dieu qui n'a pas de main. Un Dieu qui descend pas. Naam. Et comme ça, ils lui ont enlevé tous les attributs et l'ont déformé de tous ses attributs. Wal'iyadu billah. Et maintenant, le plus malheureux de cela, le plus malheureux, c'est que ceux qui disent qu'ils s'appellent Ansar Tawhid, Ansar Tawhid, masha'Allah, n'ont pas, yani, ça leur a pas suffi d'être dans l'innovation du takfir et du kharijisme, mais maintenant ils sont rentrés dans le habashisme, wal'iyadu billah. Maintenant, Salah 19 et sa clique, ses adeptes, ça leur a pas suffi qu'ils soient des takfirines et des khawarij, des chiens de l'enfer. Mais ils ont dit, si ça suffit pas, il faut qu'on devienne des habesh. Ils font venir des habesh dans leur salon et ils leur donnent le micro. Ils leur disent, faites des doros. Voilà, nous sommes Ansar Tawhid. Nous sommes les défenseurs de la aqida. Nous, on défend la aqida, masha'Allah. Ansar Tawhid, les alliés du Tawhid. Venez vous les habesh, les égarés. Venez dans notre salle et faites quoi? Et faites des doros. Et dites que Allah Ta'ala ne descend pas, ne vient pas, n'a pas de yeux, n'a pas de pieds, n'a pas de mains. Naam, ne rit pas, ne se met pas en colère, ne s'étonne pas. Voilà le tawhid, le vrai tawhid. Vous les ahbash, venez faire les tawhid dans notre salon. Naam, le takfir ne nous suffit pas. Allah Ta'ala les enfance dans les innovations. Allah Ta'ala, naam, ne veut pas de l'innovation. Regardez comment ils s'enfoncent. Ils étaient dans le takfir, ils ont ajouté le habashisme. Naam. Au point où quelqu'un, un adepte de Salah, je ne le connais pas, dans son salon, il a dit subhanallah, il a dit Salah est devenu habash. Subhanallah al-azim. Ensuite, le soir, Salah 19, le soir, il va dans le salon des habash et il entend le cours là-bas. Ansar al-Tawhid, masha'Allah. Les alliés du tawhid, nas'Allah al-afiya ya rabbi afina ya rabbi afina ya rabbi afina ya rabbi afina ya rabbi afina ya rabbi atina husn al-khatima ya rabbi la tudhilna ya rabbi al-alamin rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Naam, je dois arrêter ici inshallah ta'ala. Je peux pas faire inshallah ta'ala aujourd'hui des questions réponses, mais je les ferai inshallah très bientôt. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.